CKRL. Québec. Bonjour, bon dimanche, c'est Michel Monette au micro pour l'émission Les Oreilles Ailleurs du 14 septembre 2014. 14-14. Dans la première demi-heure de cette émission, c'est la formule de la nouvelle saison radiophonique, une heure par semaine, tout juste avant l'émission de Michel Bonaparte, Topic du Capricorne. Bien de réécouter notre ami Michel. Donc, dans la première demi-heure de cette émission, on est en bonne partie en Afrique du Sud. Et en bonne partie, pas uniquement, mais en bonne partie des Afrikaners. On commence d'ailleurs avec Karen Zoïde, qui est née en Belgique. Et oui, mais il faut dire que son père était diplomate sud-africain. Donc, elle est née là-bas. Elle a vécu une partie de sa vie en Belgique. Mais assez tôt dans sa vie, s'est installée. En fait, sa famille s'est installée à Johannesburg. Elle a fait l'École nationale des arts. Elle a étudié ensuite en cinéma. Et quelque chose de très particulier pour Karen Zoïde, dont on n'entend pas beaucoup parler. Quand on pense à l'Afrique du Sud, on pense à Johnny Clegg. Il y a d'autres artistes qui sont quand même très populaires là-bas et aussi qui font des choses très significatives en musique. Dans son cas, imaginez qu'elle a donné son nom à une expression là-bas, la Zoïde Generation, la génération Zoïde. Il faut dire qu'elle a, en 2004, elle s'est mise à faire ce que quelques musiciens mâles font de temps à autre, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à fracasser sa guitare sur la scène, ce qui était assez assez inattendu de la part d'une femme qui joue du rock. Elle a vraiment voulu s'affirmer dans le domaine du rock. Elle a voulu aussi montrer qu'il n'y a pas juste les hommes qui sont capables de faire des choses autres que les gentilles petites choses que habituellement les femmes font en musique. Enfin, on va écouter d'elle une chanson qui s'appelle Alice Van Zoo. Ça, c'est tiré de l'album Zoic Africa. Ensuite, on va écouter Chris Camnon et Daniela Daisis dans une chanson qui s'appelle Stokke Van Joo Away. Ça, c'est tiré d'un album récent qui s'appelle Post Dwif. L'album de Karen Zoïde est aussi quand même assez récent. Deux petites choses sur Daniela Daisel, elle est née en Namibie, mais elle a migré tout récemment. En fait, en 2012, elle s'est installée à Johannesburg, tandis que Chris Camlon, lui, il est sud-africain. Il a fait une carrière là-bas quand même d'acteur. Il a joué dans de nombreuses scènes. Il est assez connu en Afrique du Sud. Quant à Daniela Daisel, ben c'est la génération émergente, c'est la scène émergente en Afrique du Sud, donc c'est intéressant. Et on va ensuite, on va écouter BLKJKS dans une chanson qui s'intitule Bogobé. Ça, c'est tiré d'un album qui s'appelle Zoil. Ça vient de sortir. Ils ont BLKJKS, c'est plutôt la partie noirs de l'Afrique du Sud, des peuples d'Afrique du Sud. Ils ont enregistré dans le passé sous le label Secretly Canadian. C'était une firme indie qui fait des enregistrements indie ici au Canada. Ils ont quand même en Afrique du Sud beaucoup de visibilité, ils sont de plus en plus connus en Afrique du Sud. Il y a le batteur Chepang Ramoba qui a dit que ce qu'ils ont toujours voulu faire, c'était de demeurer très créatifs dans leur musique. Et ça s'est avéré tout au long des albums qu'ils ont faits. Zoil est le troisième. Donc, on écoute ces trois premières chansons. Karen Zoid, Chris Camnon et Daniela Deisen et BLK JKS. Was daar iets wat jy wil sê? Ek dacht ek hoor jou stem. As ek lach wanneer jy kwaad is, as ek lach wanneer jy laat is, is net omdat het snaaks is. Baby, ek wil jou net omhels, jy is something else, vreugde ongekend, jy is my beste geskenk, oor sensitief. een stukkie van jou oor in my opgedroogde vermoë. As altyd 'n bietjie van jou oor in die son wat by my spook. En hier sit ek nou met my vingers wat om die leemtes in my hande vou. Ek hard op hy stoel, reg ek na jou toe met die son wat voor my saak en die sterre wat aan my hakke haak. Ek hard op na jou toe, reg uit hy stoel met die skemer aan my vel en die tree wat ek vir jou optel. Ah. Ek loop met vingers na jou mond, plant glimlach in jou frons. Jou oë fladder weg van my, om my elders weer te kry. En hier sit ek nou, met wense wat soos wimpers aan my vingers klauw. Ek kaart op huis toe, reg ek na jou toe, met die son wat voor my saak. En die sterre wat aan my hakke haak. Ek hard op na jou toe, reg uit huis toe, met die skemer aan my vel en die tree wat ek vir jou optel. Africa, your love is on me. Africa, your love is on me. C'était le groupe BLKJKS, un groupe d'Afrique du Sud. On poursuit cette excursion du côté de l'Afrique du Sud avec Die Huwels Fantasies et François Van Cox. C'est un groupe qui fait de la musique électronique, la Die Huwels Fantasies. Il est composé d'un chanteur qui s'appelle Hunter Kennedy, qui est aussi membre de Foco, Poly, Sicar, qui était avant Hacking. Pierre Grief aussi, qui est aussi membre de Lucra, Ketar, et Fred Den Hartog, qui est un membre d'un autre groupe, Tief. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient au sein de ce groupe, c'est intéressant. Donc, ils vont s'abreuver ailleurs, ils reviennent ensemble, ils composent. Et là, il y a aussi François Van Cock, qui en réalité, c'est François Van der Host, qui est né à Belleville, qui est en partie ouest de l'Afrique du Sud, qui est un chanteur. Et aussi un compositeur qui a fondé un groupe de musique alternative qui s'appelle Foco Poly Sicar, dont je viens de parler en parlant de Hunter Kennedy, et aussi Van Cock Cartel. On va les écouter dans une chanson qui s'appelle Son Rotsé. C'est tiré de l'album qui s'intitule tout simplement Die Huwels Fantasties. Vous vous posez des questions sur la façon d'écrire le nom de ces groupes, le nom de ces chansons. Faites-vous-en pas, tout ça est sur le blog lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs.net, pas maintenant, pas tout de suite, mais j'imagine une demi-heure, une heure à peu près après la fin de l'émission, tout ça va être là, donc vous allez avoir l'ensemble des chansons, l'ensemble des groupes que je vous ai fait jouer aujourd'hui. Et on va terminer cette demi-heure avec un groupe qui n'est pas d'Afrique du Sud, qui est du Kenya, et de l'Angleterre qui s'appelle Owenee Sigoma Band dans la chanson Margaret Alohor. C'est tiré d'un album fort intéressant qui s'appelle Power Punch. J'aime bien ces regroupements de chanteurs européens et de chanteurs africains. Ça donne des sonorités, ma foi, fort intéressantes. Allons-y donc avec Sorotse de Die Hövel Fantastis.

Na liboso abingangai nazali nayo bona sunga yo tinoliwa tinoliwa tinoliwa de la magnifique Gassanji qui est de la République démocratique du Congo. On s'en va du côté du Burkina Faso avec Koto Brawa et The Walkman. Koto Brawa, c'est quelqu'un qui a composé il y a 7 ans un premier album, et là il vient de sortir l'album Gayinto. C'est quelqu'un pour qui la musique c'est quelqu'un qui est installé en France, pardon, quelqu'un qui est installé en Europe, mais c'est quelqu'un pour qui la musique dans sa langue et les rythmes aussi de sa patrie sont très importants. Ce sont des rythmes birifores et dagara de l'ethnie du sud-ouest du Burkina qu'il privilégie, tout en les mélangeant avec des sonorités modernes. Le jazz, le funk, le blues. Donc, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de la fusion. C'est très intéressant. On va écouter deux chansons de lui. Tout d'abord, Hele Joe, et ensuite, Tolom Pierre. Koto Brawa, B-R-A-W-A, et The Walkman. The Walkman, en passant, ça veut dire, au Burkina Faso, ça veut dire le sorcier. Tera mogo mika ni mawili kapoko. se dona ama donke se wa ngabe salada anga morolo abise dona ama donke se wa ngabe salada abara konangana nangana na Chulumno, boyera wasi seb ni lieta gondo gondo gondo gondo jabara gbangba gondo balebe si tonwe amato luta king onu kuo patrus ni mumbo onu kuo thomas ankara onu kuo gondo onu kuo gondo gondo jabara we si jabara jolumno joluma jubala jolumno re joluma jubala amando da boyera kaulo le jovreto jolumno joluma jubala jolumno re joluma jubala amando da boyera wasi sebne lefta C'était Koto Brawa du Burkina Faso dans la chanson Tolom Pierre. On va terminer cette l'émission de cette semaine avec une chanteuse qui n'a pas vraiment besoin de présentation. C'est une habituée du Festival du Jazz de Montréal. Sinon que de dire qu'elle est originaire du Bénin, Angélique Kidjo, dans la chanson Kulumbo. Et par la suite, c'est Michel Bonaparte dans l'émission Topic du Capricorne qui va prendre l'antenne. Moi, je vous dis, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous retrouve à 15h dimanche prochain. D'ici là, vous vous rendez sur le site lesoreillesailleurs.net et vous aurez un peu plus tard dans la journée, d'ici 1h, peut-être 1h30, vous aurez l'ensemble de ce que j'ai fait jouer ce soir, cet après-midi, les musiciens, les chansons. Et vous avez même les émissions antérieures, donc vous avez de quoi vous amuser vos oreilles, pour plusieurs heures. À la semaine prochaine. Irawa, Irawa,